hommage à ceux qui de la France ont façonné l'histoire et dont les sacrifices ont engendré la gloire. Hommage aux oppressés, aux victimes du système, mais aux traîtres nous lançons l'anathème. Hommage à ceux qui mettent en jeu leur paix ou leur travail pour raviver le feu qui brûle en nos entrailles. Hommage aux prisonniers enfermés pour la cause, bien plus libres que ceux qui se reposent. Hommage aux prisonniers enfermés pour la cause, bien plus libres que ceux qui se reposent. Hommage aux prêtres persécutés pour transmettre la foi, insultés, rejetés quand s'élève leur voix. Et hommage aux parents fidèles saignés aux quatre veines pour que leurs enfants gardent une âme saine. Hommage aux soldats du pays fidèles à nos valeurs, partis offrir leur vie sacrifiée loin des leurs. Mais honte aux charognards s'enivrant de ce sang pour que le capital soit florissant. Mais honte aux charognards s'enivrant de ce sang pour que le capital soit florissant. Aux artistes militants qui exaltent leur foi, oui, le chant résistant est un hymne au combat. Idéalistes à jamais ont clamé nos anciens, nos voix sont les échos de vos refrains. Hommage enfin à toi français qui ne baisse pas les bras et malgré les épreuves reste fier et droit. Ensemble nous saurons relever notre France en partageant les joies et les souffrances. Ensemble nous saurons relever notre France en partageant les joies et les souffrances.